au sabbat, vous êtes laïc orthodoxe, avocat au barreau de Paris, et les orthodoxes francophones vous connaissent comme responsable de la commission médias et informations auprès de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France. Comment voyez-vous la communication au service de l'Église orthodoxe en général et ici en Occident en particulier? Bonjour Père Zivko. Je pense que ce qui est important là-dessus, par rapport à une question qui est aussi vaste sur la communication de l'Église orthodoxe en France, de mettre les choses un peu en perspective. Je vais essayer d'être bref, rapide, même si les avocats, comme vous dites, j'en suis un, sont des gens qui sont un peu bavards. L'orthodoxie en France, c'est une orthodoxie, tout le monde le dit, c'est une réalité, c'est une orthodoxie plurielle. Elle est plurielle dans l'expression, elle est plurielle dans la sociologie, elle est plurielle dans l'histoire de l'installation des communautés ici ou là, mais elle est une dans la foi. Et donc c'est toute l'importance, je dirais, de cet axiome de base que moi j'installe toujours dans ma conscience, je dirais, et dans mon inconscient d'une certaine manière. C'est une orthodoxie donc plurielle dans l'expression, mais elle est une dans la foi. C'est toute cette particularité, cet axiome. Personnellement, je pense que l'orthodoxie en diaspora, d'une certaine manière, même si j'ai toujours un peu de mal avec le terme diaspora en tant que tel, parce que pour nous, en fait, dans une géopolitique, je dirais orthodoxe, on n'a pas de diaspora en tant que tel. On a un centre qui est celui de l'Eucharistie, et autour de ce centre, tout se construit. Et il n'y a pas d'autre logique de centre et de périphérie. Donc pour nous, à partir du moment où on est en Occident et on vit l'Eucharistie, on vit l'Église, on vit le Christ, notre centre c'est l'Eucharistie. Donc il n'y a pas... Mais disons d'une certaine manière, je pense que l'évolution de l'Église orthodoxe en diaspora, pour utiliser le terme que tout le monde utilise d'une certaine manière, a passé ou est en train de passer par trois phases, à mon sens. La première phase, c'est un peu la phase, je dirais, justement de la logique de la diaspora, c'est-à-dire de l'installation de communautés venant en fait d'émigrations multiples, variées, très diverses, qui se sont installées en grande partie dans une logique, je dirais, de foyer du souvenir, c'est-à-dire très attachés à leurs racines, très rattachés à leur tradition historique, à leur tradition linguistique, à leur tradition avec un petit t liturgique. Ça, c'est la première phase. Cette phase, quelque part, en Occident et en diaspora, l'orthodoxie l'a passée d'une certaine manière, cette phase du foyer du souvenir. La deuxième phase, c'est un peu une phase qui est, je dirais, de l'accentuation de la localité, je dirais, de l'orthodoxie en diaspora ou dans la diaspora et dans nos pays occidentaux. Et cette phase d'accentuation, je dirais, de l'enracinement, je ne parle pas d'église locale parce que, bon, ce n'est pas encore le cas, mais il y a une forme de localité qui commence à s'enraciner avec des communautés qui s'installent, avec des générations qui passent le relais à d'autres générations et... d'une certaine manière, on fait partie maintenant d'un tissu sociologique. Donc ça, c'est la deuxième phase, je dirais, d'accentuation que, à mon sens, on est en train de vivre à des degrés parfois avancés, accélérés et parfois avec beaucoup de lenteur dans d'autres possibilités. Alors la troisième phase, c'est un peu la phase, je dirais, qui est un peu en devenir, d'une certaine manière. Et c'est la phase où, d'une certaine manière, on trouvera, je dirais, une forme de synthèse positive entre nos expressions historiques, qui sont importantes parce qu'elles font partie de toutes nos identités en tant qu'Antiochien, en tant que Grec, en tant que Russe, en tant que Serbe, en tant que Macédonien, toute cette diversité de l'orthodoxie, comment elle pourra travailler, je dirais, dans un cadre homogène, convergent, etc. Ça, c'est la troisième phase. Et comment son organisation se fera de telle manière qu'elle soit le plus conforme à la tradition ecclésiale canonique de l'orthodoxie. Quelque part, ça c'est, je dirais, c'est entre les mains de Dieu, mais aussi, en grande partie, aussi entre nos mains, en tant que fidèles, puisque dans l'orthodoxie, on y croit, le principe de la synergie est quelque chose d'important. Donc, dans ce cadre-là, je dirais, moi je dis qu'en France, on a une particularité, ça c'est les deux axiomes sur lesquels je me base. Le premier axiome, c'est qu'on a une orthodoxie plurielle, et d'expression, mais elle est une dans la foi. Et en France, on a quelque part une évolution qui a permis un rapprochement des orthodoxes d'une certaine manière, dans un premier temps pour des considérations qui n'ont rien à voir peut-être avec les considérations, je dirais, de construction d'église locale ou de travail de logique de convergence ou de dynamique de rassemblement et de fédération pour un témoignage commun, c'était à la base essentiellement, je dirais, pour prendre des positions en commun vis-à-vis des questions économiques qui étaient pressantes, etc. Donc, on a cette année la commémoration du 40e anniversaire du comité interépiscopal. Et ce comité interépiscopal, c'est le 40e anniversaire du comité interépiscopal puisqu'il a été fondé en 1967 et c'est le 10e anniversaire aussi de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France. Donc on a une double commémoration et là je voudrais essayer de mettre en parallèle un peu comment les deux, le comité interépiscopal et l'Assemblée des évêques, font partie un peu de cette évolution que j'ai expliquée un peu au début. Donc on était dans le comité interépiscopal en 1967 pour des raisons essentiellement, je dirais, de conjoncture entre orthodoxes, nécessité de coordonner les travaux en commun, les positions à l'égard du dialogue œcuménique sur des questions en fait concernant la société. On est arrivé petit à petit vers une forme, je dirais, de nécessité de travail en commun, d'une diaconie en commun, disons. Et cette diaconie en commun, elle s'est manifestée d'une certaine manière par une évolution qui a abouti à la création de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France en 1997. Et là, je pense qu'il y a un contexte aussi qui était favorable, aussi géopolitique, mais aussi un contexte de maturation d'une certaine maturité dans l'avancement de l'orthodoxie dans ce pays. Et ce contexte, bien sûr, c'était la chute du mur de Berlin, les églises à l'Est respirent de nouveau, il y a une certaine liberté donc de se retrouver et de s'organiser d'une certaine manière. L'Assemblée des évêques, elle s'est constituée là-dessus. Ce que je voudrais, le deuxième axiome pour moi qui est important aussi, que je garde toujours dans ma tête, c'est que, bien sûr, le premier c'est, je le répète, l'orthodoxie est plurielle dans son expression, mais elle est une dans sa foi, donc son témoignage doit être coordonné, homogène, et un témoignage, je dirais, uni. Le deuxième axiome de base, c'est que l'Église orthodoxe en France, elle n'est pas séparée du tout, elle n'est pas désincarnée, elle n'est pas séparée, je dirais, de l'Église orthodoxe universelle, et Dieu merci. Donc, elle vit les difficultés, les tensions de l'Église universelle, par moments, par conjoncture, et en même temps, elle aussi renvoie des messages de sérénité parfois de construction positive, d'une image positive. C'est pour ça que l'outil du comité interépiscopal et par la suite de l'Assemblée des évêques est un outil qui fait partie de cette équation française, de l'orthodoxie en France, mais aussi d'une certaine manière de l'orthodoxie d'une manière plus générale. Et parfois, lorsqu'il y a des petites secousses ici ou là, en fait, dans le cadre de l'orthodoxie en général, ça se ressent chez nous, et vice-versa, les choses positives aussi peuvent se transmettre d'ici vers l'Église universelle. Dans ce contexte-là, moi, ce que je dis, c'est qu'on vit en France une particularité, qui est une particularité de montée en puissance, d'une certaine manière, d'un travail en commun, qui nécessite une grande patience, une grande nécessité de compréhension de l'autre, une vraie diaconie d'amour d'une certaine manière qui permet en fait de comprendre l'autre dans ses particularités, dans ses différences pour pouvoir justement créer un rapport de confiance et à partir de ce rapport de confiance essayer de d'installer des logiques qui sont des logiques, je dirais, de convergence, des logiques de rassemblement et des logiques de fédération. Le cadre de l'Assemblée des évêques est celui-là. Et le cadre, je dirais, de la commission des médias et aussi rentre de médias et d'informations rentre un peu dans ce cadre-là. Ce que je voudrais dire, parfois je considère que par moment en fait on considère d'une certaine manière que c'est complexe, les choses sont difficiles, il y a des tensions, il y a des incompréhensions. Moi personnellement, peut-être c'est mon charisme antiochien, mais aussi les antiochiens essaient un peu d'être dans une logique de rassemblement, de fédération, de comprendre un peu tout le monde, peut-être parce qu'on a été trop, je dirais, bousculé par l'histoire étant, je dirais, Antioche, et puis toute la région du patriarcat d'Antioche étant une zone carrefour. Je pense qu'il faut comprendre les autres pour essayer de... Mais il faut avoir une vision claire de l'avancement, de l'objectif vers lequel on avance tous, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le témoignage en commun. Et par rapport à ça, je dis parfois, en fait, l'orthodoxie, la situation de l'Église orthodoxe en France et dans la diaspora, c'est un peu comme un puzzle. Un puzzle avec des morceaux qui sont éclatés ici ou là. Mais, et là, chaque morceau a d'une certaine manière ses particularités, dans l'ensemble, dans l'image d'ensemble. Et il y a un vrai travail de patience, un vrai travail de labeur, je dirais, d'essayer de rassembler ces différents morceaux pour qu'in fine, il fait qu'il y ait un ensemble et un cadre qui soit clair et l'image apparaisse dans toute sa splendeur. Et je pense que c'est ça la vraie difficulté de ce cheminement, de ce travail. Et ça me revient toujours la parole du patriarche Athénagoras quand il disait, on lui posait la question, quand est-ce que le grand concile, le saint et grand concile panorthodoxe se réunira, il dira, ça c'est une question qui est entre les mains de Dieu, le plus important pour moi c'est que les orthodoxes apprennent à travailler ensemble. Et je pense que c'est dans ce cadre-là. Maintenant, dans le cadre de la commission, l'Assemblée des évêques, pour dire deux mots, a été créée en 1997. Elle a été créée par rapport au comité interépiscopal. L'élément de différence de base, c'est que le comité interépiscopal, c'est un comité informel. Donc, il n'y avait aucune structure juridique, je dirais, qui le soutient, alors que l'Assemblée des évêques est organisée selon les lois de la législation française comme une vraie association qui a un cadre juridique. Et toutes les églises, tous les diocèses, en fait, qui ont des responsabilités pastorales en France sont membres, fondateurs et représentés à l'intérieur même de l'Assemblée des évêques. En 1997, dans le mode de fonctionnement aussi de l'Assemblée par rapport au comité interépiscopal, l'Assemblée a décidé de créer 5 commissions. La première commission étant la commission théologique, la deuxième étant la commission liturgique, la troisième la commission des relations interconfessionnelles et œcuméniques d'une manière générale inter-église, et la quatrième c'est la commission médias et information, c'est ça l'intitulé de base de cette commission, parce que à cette époque l'important, je dirais, de la communication a émergé comme un facteur, aussi un vecteur de témoignage. Donc l'Assemblée a voulu mettre un peu l'accent, et nos évêques ont voulu mettre l'accent sur la nécessité d'une réflexion sur la communication là-dessus. Et la dernière commission, c'est une commission en fait administrative et de finances, mais c'est plus une commission interne. Tout récemment, en fait, il y a un an ou pratiquement un an et demi, une sixième commission a vu le jour, qui aussi reflète, je dirais, une évolution, même si elle est lente, d'une prise de conscience de la nécessité pour l'Assemblée des évêques, des commissions qui travaillent pour le peuple orthodoxe de France et les forces vives de réfléchir sur les questions d'église et société. Et ça, c'est en soi, c'est une évolution et c'est un facteur qui, à mon sens, est un indicateur de cette évolution de l'intégration de l'orthodoxie dans le tissu social français et de la manière dont l'orthodoxie souhaite aujourd'hui interagir avec cette société française. Donc il y a cette commission église et société qui a été créée il y a un an et demi et qui a été confiée à Michel Soloubou. Dans le cadre de la commission médias et information, que moi j'aime bien baptiser comme étant la commission communication, parce qu'il y a, dans la communication, il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect relationnel, il y a l'aspect information, il y a l'aspect communication dans le sens de faire passer un message. Cette commission a pour vocation, d'une certaine manière, d'être un outil au service de l'Assemblée des évêques. Et il y a une partie qui concerne les médias qui sont placés sous les auspices de l'Assemblée des évêques. Et Dieu merci, il y a un certain nombre d'initiatives qui existaient avant bien cette commission qu'elle n'existe et qui continuent à exister, leurs producteurs, même si on peut avoir par moment en fait des critiques sur certaines émissions par rapport à d'autres, sur certains médias par rapport à d'autres. Tout est perfectible. Donc il y a des initiatives qui existaient. L'idée c'était autant que possible par rapport à ces initiatives qui existent, de leur garder leur liberté, la liberté des producteurs, mais de créer un cadre qui existait dans le passé et qu'on est en train de remettre en place, un cadre de contact et de rapport régulier entre les producteurs de ces émissions et l'Assemblée des évêques, de telle manière à ce que notre témoignage, que ce soit à la télévision, à la radio, maintenant en fait on a une émission à la radio avec Père Nicolas Ozoline, il y a une émission à Radio France Culture qui était produite par Mgr Stéphane, métropolite de Tallinn actuellement, et qui actuellement en fait est produite par Alexis Chrysostalis, qui à l'époque l'avait aidé à Mgr Stéphane dans la préparation de l'émission. Il y a une émission qui est installée maintenant pratiquement depuis un an et demi, deux ans, sur les ondes de Radio Notre-Dame, qui, il faut le dire, il faut le rappeler, c'est une radio œcuménique en fait. Dans sa charte, il y avait toujours une possibilité, comme il y a une fréquence protestante en fait à Radio Notre-Dame, il y avait toujours une possibilité pour les orthodoxes, et moi-même j'ai participé au début des années 90 quand je suis arrivé en France à quelques émissions, mais malheureusement dans l'orthodoxie parfois notre problème c'est la persévérance, c'est de durer. Dieu merci, pour le moment, en fait, il y a une émission avec Bogdan Blaiku qui est installée actuellement, qui est une émission avec une sorte un peu de distribution un peu différente de celle de France Culture, mais elle a le mérite d'exister. Ce que je veux dire sur les particularités de la communication et les priorités, je dirais, de la communication. Comme je l'ai dit, en fait, la communication, c'est un peu faire passer un message, faire passer. Et ce que je veux dire, c'est que quelque part, la communication d'église est quelque chose qui est très particulier. Et il faut qu'il y ait une réflexion théologique sur les particularités, les considérations de la communication d'église. Et la communication d'église, par opposition à la communication, je dirais, dans n'importe quel domaine, dans le domaine bancaire ou dans le domaine des autres produits, a une particularité très spéciale qui, elle ne crée pas un rapport de tension, elle ne crée pas un rapport de création d'une opinion, on ne poursuit pas un objectif, je dirais, ni de gain, ni un objectif lucratif. L'essentiel dans la communication d'église, c'est un axiome que moi je considère celui de tous les chrétiens, c'est être dans le monde sans être du monde. Et c'est cette tension-là qu'il va falloir, en fait, travailler. Et d'une certaine manière, il faut utiliser les moyens dont nous disposons. Et au niveau de l'Assemblée des évêques, je ne trahirai un secret pour personne, que les moyens ne sont pas abondants. Donc on essaie autant que possible, dans le cadre de la communication de l'Assemblée des évêques, de définir des priorités. Et la principale priorité, c'est que la communication de l'Assemblée n'est pas la communication de l'Église orthodoxe en France. C'est une communication institutionnelle, d'une certaine manière. Et je vais m'expliquer là-dessus. Dans la communication de l'Église orthodoxe en France, il y a beaucoup de personnalités orthodoxes, de premier plan, des théologiens, des hommes d'Église, des pasteurs. Chacun dans son contexte est là pour témoigner, pour communiquer et pour communier à travers ce vecteur de témoignage. L'Assemblée des évêques représente quelque chose dans l'espace orthodoxe en France. Et donc, de plus en plus, l'Assemblée des évêques est perçue comme étant une institution, comme par exemple la Conférence des évêques de France au niveau catholique, comme la Fédération protestante de France pour les protestants. Et donc, sa communication doit être un peu une communication institutionnelle et doit correspondre aussi d'une certaine manière un peu à ce que la maturité, son évolution, l'évolution de l'Assemblée des évêques. La priorité qu'on s'est donnée, c'est qu'on n'a pas les moyens d'avoir une communication, je dirais, professionnelle dans le sens avec des gens qui sont dédiés, qui sont payés. On est tous dans l'orthodoxie, dans le bénévolat. On ne peut pas se permettre d'avoir une communication permanente, justement pour les raisons qu'on n'a pas forcément tous les outils pour le moment. On n'a pas encore tous les financements pour créer des postes pour dédier des personnes là-dessus. Donc, notre communication devait être une communication sélective, événementielle, sur un certain nombre de points saillants. Et le point le plus important et capital que j'ai considéré avec aussi lorsqu'on a discuté avec les évêques, c'était par rapport à l'existence d'un déficit, je dirais, de compréhension de ce qu'est l'Assemblée des évêques, de ce qu'elle fait, de ce qu'elle produit. Et il y avait une forme un peu, je dirais, de décalage entre le peuple orthodoxe de France et l'Assemblée des évêques en tant que telle. Donc, on a mis en place un instrument qui est très, très simple, il n'y a rien d'ingénieux là-dessus, qui est le communiqué. On a décidé, pratiquement depuis trois ans et demi, maintenant, à chaque réunion, il y a un communiqué. Donc, cette communication était dans un premier temps destinée au peuple orthodoxe de France de recréer un peu le lien communicationnel entre le peuple orthodoxe de France et l'Assemblée des évêques. Le deuxième point saillant aussi sur lequel on travaille, c'est d'avoir un rapport avec les autres communicants des autres églises. Et là-dessus, j'ai des réunions régulières avec les responsables de la communication de la Conférence des évêques de France, de la Fédération protestante. On travaille ensemble, et ça c'est une dimension, je dirais, œcuménique de la communication. On travaille ensemble sur un certain nombre de projets. Il y a des voyages en commun qui se font, par exemple, dans le cadre du CCF. Là, il y a un instrument qui est le communiqué, en fait, conjoint des trois coprésidents orthodoxes, protestants et catholiques du CCF. Donc, il y a des actions qui se font là-dessus. Dans le cadre, je dirais, des autres initiatives médiatiques, aussi, ce que je voudrais souligner, c'est qu'on a aujourd'hui un rapport, d'une certaine manière, qui est demandé de plus en plus, institutionnel avec les responsables, je dirais, comme par exemple les responsables du jour du Seigneur, on essaie de créer un lien institutionnel entre l'Assemblée des évêques et le jour du Seigneur concernant par exemple l'émission Orthodoxie, qui est produite en accord avec Père Nicolas Ozzolin. On est en train de travailler ensemble pour voir comment on peut installer sur la durée cette émission, lui donner beaucoup plus de moyens, préparer des gens qui peuvent aider Père Nicolas et créer un lien institutionnel, idem avec France Culture, avec Radio Notre-Dame. Donc ça, c'est, je dirais, les différents points sur lesquels on travaille au niveau de la communication orthodoxe. Voilà. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont vos projets, quels sont les projets de la commission? Alors, les projets de la commission, il y a deux projets. Le premier, c'est deux projets qu'on considère aujourd'hui, ça arrive à une forme de maturité. Le premier, c'est le site internet de l'Assemblée des évêques. Et deuxièmement, c'est de créer un bulletin. Dans un premier temps, on préfère que ce soit un bulletin d'information de l'Assemblée des évêques. Et on préfère que ce soit dans un premier temps un bulletin papier pour qu'il y ait une vraie adhésion, je dirais. Et c'est un instrument de liaison, je dirais, entre les instances internes de l'Assemblée des évêques, c'est-à-dire le Collège des évêques, les responsables de commission et tous les membres des commissions pour qu'il y ait une prise de conscience qu'on appartient à un corps en commun. Et aussi, dans un deuxième temps, ça peut être un bulletin d'information qui pourrait évoluer à travers l'adjonction d'un certain nombre de textes de réflexion de base sur lesquels les commissions travaillent. Le site internet de l'Assemblée des évêques, ça arrive aujourd'hui à une forme de maturité. Et comme je l'ai dit, la particularité de l'Assemblée des évêques, qui n'est ni un diocèse, ni une paroisse, ni une communauté. Donc le site de l'Assemblée des évêques doit être un peu, je dirais, le reflet de ce qu'est l'Assemblée des évêques, un peu la maison commune des orthodoxes, et entre guillemets, je mets ça entre guillemets. Et donc ça va être un peu la logique d'une vitrine qui va essayer d'organiser une forme de diaconie, de renvoyer, bien sûr, il y a une présentation de l'Assemblée, des commissions, de son organisation, mais aussi de tout ce qui constitue une force vive orthodoxe en France, d'essayer de renvoyer à travers des liens. Et là-dessus, on est en train de travailler, vraisemblablement, je ne vais pas m'avancer sur les dates, mais notre objectif, c'est que le site soit opérationnel pour les festivités de la commémoration du 40e anniversaire. Car au sabbat, vous êtes également membre de la paroisse Saint-Étienne de l'Église orthodoxe d'Antioche à Paris et secrétaire de l'association cultuelle. Pouvez-vous présenter brièvement votre paroisse à nos internautes? Oui, effectivement, en fait, je fais partie de la paroisse donc antiochienne qui célèbre le samedi soir à la cathédrale Georges Bizet. La particularité de cette paroisse, c'est que c'est une paroisse qui reflète vraiment la diversité d'Antioche. Il y a des Libanais, il y a des Syriens, il y a des Palestiniens qui viennent aussi participer à la liturgie. Il y a des Irakiens par moment, en fait, qui viennent participer. Donc c'est une paroisse qui s'est constituée grâce aux efforts de notre archevêque, Mgr Gabriel Salibi, qui, quand il est venu en fait s'installer en France, a essayé de rassembler, je dirais, dans un premier temps, en 1980, c'était en 1980, il était à l'époque vicaire patriarcal, donc quelque part exarque de sa béatitude, notre patriarche Ignace IV. Il est venu s'installer en France et cette paroisse s'est installée dans la cathédrale grecque. On est accueilli par nos frères grecs depuis pratiquement maintenant plus qu'une vingtaine d'années. Cette paroisse, quelque part, est un peu le fruit de l'émigration. Alors, certainement, il y a des Antiochiens qui vivaient en France avant 1975, mais à cause de la situation de la guerre et des difficultés au Moyen-Orient, il y a eu une émigration qui était massive, de 1975 à 1979. Et cette émigration, qui pensait revenir, un peu comme la logique de tous les premiers migrants, n'a pas pu revenir et malheureusement, heureusement, elle a été prise un peu par la situation. Donc cette paroisse s'est développée depuis plus qu'une vingtaine d'années. On a une présence, je dirais, sur la région parisienne qui est très importante, d'une communauté qui est très importante. Il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été déployés par Mgr Gabriel, par Père Grégoire Salibi, qui est notre recteur actuel, pour rassembler, pour créer. La difficulté, c'est qu'on est dans un cadre liturgique qui, un peu n'ayant pas notre local à nous, notre église à nous, parfois c'est difficile d'organiser un certain nombre de choses comme si on était dans une paroisse, je dirais, qui a son propre local, qui a sa propre église. Donc le cycle liturgique n'est pas forcément les mêmes. Vous êtes obligé de prendre en considération un certain nombre de contraintes qu'on a là-bas, malgré le fait qu'on est accueilli avec beaucoup, je dirais, de fraternité et d'ouverture de la part de la communauté grecque, de l'époque de Mgr Meletios, par la suite avec Mgr Jérémie et maintenant actuellement par Mgr Emmanuel. Donc à un moment donné, en fait, cette paroisse a nécessité en fait aussi une certaine évolution parce que son cadre sociologique a changé. Au début, c'était une paroisse en grande partie où il y avait bien sûr en fait des gens qui étaient bien installés, des notables, des gens, mais en grande partie il y avait des étudiants qui venaient faire leurs études et qui revenaient. Et une grande partie des étudiants sont restés là et des jeunes cadres. Et du coup, donc cette paroisse dans son évolution sociologique est devenue de nouveau une paroisse très jeune, avec une, je dirais actuellement, il y a une soixantaine d'enfants qui viennent à la fête de Noël qui est dédiée pour les enfants, parce que tout simplement les jeunes des années début des années 90 se sont mariés, se sont installés, ont eu des enfants et ça a progressé. En l'an 2000, la paroisse, notre diocèse en fait a connu une évolution majeure, puisque notre métropolite donc est devenu, qui était vicaire patriarcal, donc il n'y avait pas le statut de diocèse, est devenu métropolite diocésain, et tout le vicariat s'est transformé en véritable diocèse métropolitain. Et donc, de ce point de vue-là, il y a eu une évolution au niveau de la paroisse avec la bénédiction et le soutien de Mgr Gabriel pour que recentrer un peu le travail de l'association qui existait en France sur la paroisse de Paris. Et donc, on a actuellement une association cultuelle qui s'appelle Association des Grecs orthodoxes d'Antioche à Paris, qui est dédiée uniquement pour Paris. Il y a une autre paroisse, là aussi, grâce aux efforts de Mgr Gabriel et des autres prêtres qui est à Blanc-Ménil, en fait, dans le nord de Paris. Il y a actuellement une paroisse aussi dans le sud de la France avec à Nice. Donc chaque paroisse maintenant a son association cultuelle et la paroisse de Paris a la sienne. Ce qu'on a essayé depuis quelques années, dans le prolongement de tout le travail qui a été fait depuis des années par nos prêtres, et là on a actuellement deux prêtres en fait dans notre clergé. Il y a Père Grégoire Salibi qui est le recteur de la paroisse, Père Paul Mourad qui est le prêtre auxiliaire, et on a un diacre, Georges Araman, qui aussi officie. Ce qu'on a essayé de faire avec la bénédiction de Mgr Gabriel, en plus je dirais du travail qui a été fait dans le cadre, je dirais, de transformation des statuts de l'association avec la nouvelle domination, vous savez, toutes les formalités au niveau de la préfecture, mais aussi c'était de donner à compte tenu de l'évolution de cette paroisse une nouvelle vie d'une certaine manière, une nouvelle respiration, tout en prenant en considération les contraintes qu'on a. Et là-dessus, l'axiome de base, je dirais, qu'on suit et qui est une réflexion de notre président laïque Edouard Laham, il dit, fort justement, il dit qu'il faut ramener les gens de la communauté, entre guillemets, vers l'Église et de l'Église vers le Christ. Et donc, quelque part, on a suivi un peu ce chemin-là de créer un certain nombre d'activités qui sont des activités paraliturgiques qui accompagnent la liturgie, après la liturgie, pour essayer de rendre un cadre, je dirais, de convivialité, de confraternité et de communion qui permet, je dirais, d'une certaine manière à la paroisse de prendre vie de nouveau. Parmi les activités qu'on a mis en place, donc il y a bien sûr, je dirais, le côté par la suite, après la liturgie, le côté convivial du café qui est un peu plus élaboré, qui permet aux gens en fait de discuter à la sortie de la liturgie, et ça crée un peu une liturgie après liturgie. On a créé aussi un instrument en fait qui est intéressant. Une fois par mois, on les a appelés les samedis de Saint-Étienne, parce qu'après la liturgie, donc c'est une formule après la liturgie où on demande à un conférencier de venir sur un thème spécifique, qui peut être un thème concernant l'histoire de l'Église, la théologie ou autre, de parler. Et à la fin, il y a des questions-réponses et il y a des agapes qui sont partagées par les paroissiens. Chaque année, depuis bien sûr le début de l'installation de la paroisse, il y avait des fêtes de Noël. Là aussi, on a continué dans cette tradition. Il y a une fête de Noël annuelle pour les enfants, avec aujourd'hui un cadre beaucoup plus élaboré. Il y a un groupe des jeunes qui s'est constitué, qui s'est élaboré et qui, d'une certaine manière, travaille aujourd'hui pour un peu reprendre aussi un peu tous ces travaux à l'intérieur de la paroisse. On a une grande manifestation qu'on fait d'une manière annuelle et qui s'avère être un grand succès et qui est à la mairie du 16e depuis pratiquement 5 ans grâce au maire et puis aux députés maires en fait, du 16e. On a la salle des fêtes de la mairie du 16e et on organise là-bas soit des projections sur l'église orthodoxe d'Antioche, soit en fait des conférences, ou bien par exemple on a organisé une projection sur le film qui a été produit par Olivier Mille et puis qui a été coécrit par Jean-François Colosimon sur le silence des gens concernant la musique liturgique. On essaie aussi d'avoir deux temps, je dirais, annuels d'agape partagée à Noël pour toute la paroisse, une fête et aussi à Pâques. Et ce qu'on a institué aussi, c'est à la fin de chaque année, depuis pratiquement 5 ans, on a une fête annuelle de la paroisse qui se déroule au centre Boileau et qui est considérée comme étant une journée de communion, une journée de prière, de convivialité, où il y a une partie thématique le matin. Soit une projection, soit une conférence avec des conférenciers. Et justement, dimanche prochain, on a cette fête annuelle de la paroisse et on a le bonheur de recevoir d'une façon exceptionnelle pour une rencontre débat le métropolite Georges Rode qui sera à Paris, présent à Paris. De juin prochain, l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge à Paris remettra le doctorat honoris causa à Mgr Georges Codre du Mont-Liban de Patéka d'Antioche. Mgr Georges Codre est une grande personnalité du monde orthodoxe contemporain. Quel sujet a-t-il plus particulièrement abordé dans ses livres et ses articles ? Je dirais quel sujet il n'a pas abordé dans ses articles et dans ses publications. Je pense que Mgr Georges Codre est une grande figure de l'orthodoxie antiochienne actuelle. Et contemporain, c'est quelqu'un, il faut le rappeler, en fait, qui est né pratiquement au début des années 20, qui a été ordonné prêtre en 1954, et donc plus qu'une quarantaine d'années, je dirais, de service sacerdotal, qui a été évêque en 1970. Et c'est quelqu'un qui a une grande particularité, à mon sens, de savoir créer une synthèse positive extraordinaire entre la dimension, je dirais, occidentale et la dimension orientale de sa personnalité et de son charisme. Il faut le rappeler peut-être, il a fait des études élémentaires et secondaires dans des écoles catholiques, comme la plupart, je dirais, des chrétiens libanais, qu'ils soient orthodoxes, maronites ou autres. Par la suite, il a fait des études de droit. Donc, il a une bonne formation de juriste de base. Et par la suite, je dirais, au début des années 40, avec le mouvement, je dirais, de bouillonnement un peu des intellectuels chrétiens, il y a eu cette fondation, je dirais, du mouvement de la jeunesse orthodoxe, qui a été en grande partie inspiré peut-être par les mouvements de jeunesse catholiques dans le monde d'une certaine manière, mais c'était la soif, je dirais, de jeunes intellectuels, de jeunes universitaires orthodoxes, de comprendre leur foi et de vraiment, pas seulement de l'assimiler, mais quelque part de l'intégrer comme un vrai ethos de vie, un vrai vécu. Et donc, Mgr Georges Codre a été un des grands inspirateurs, je dirais, de ce mouvement de la jeunesse orthodoxe. En 1942, quand il a été créé, il était encore laïque, donc il n'était pas encore prêtre, puisqu'il a été ordonné prêtre en 1954, un peu plus tard. Sa particularité, c'est qu'il est, je dirais, oriental, parce qu'il est d'une ville, Tripoli, qui est au nord du Liban, qui est une ville qui est particulièrement, je dirais, avec un caractère très prononcé arabe, mais d'une forme d'arabité qui est assumée par tous les chrétiens orthodoxes, je dirais, d'Orient. Et donc, il a côtoyé l'islam. Pour lui, le chant du Moazin fait partie, je dirais, de son quotidien, fait partie de sa personnalité, de ses souvenirs d'enfance. Et en même temps, en fait, il avait toujours une aspiration, je dirais, vers l'Occident. Il est venu effectivement en France, en fait, faire des études à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge. Et quelque part, Saint-Serge, quand aujourd'hui l'Institut honore d'une certaine manière son œuvre un peu complète, théologique, pastorale, éditoriale, honore quelque part un de ses anciens étudiants. Et ça, c'est important. Il faut rappeler peut-être rapidement que Mgr Georges aussi, c'est quelqu'un qui a été très très actif dans le domaine œcuménique. Il faisait partie de la commission Foi et Constitution pendant des années. Il était responsable au niveau du patriarcat de la commission de relations, des relations extérieures au niveau du Saint-Synode. Il a été par la suite, pendant plusieurs années, membre de la commission de dialogue orthodoxe catholique. Il est membre aussi, il a participé à plusieurs réflexions et commissions du Conseil œcuménique des Églises, mais aussi du Conseil des Églises du Moyen-Orient. Donc il a une activité œcuménique qui est excessivement variée et très, très très large, avec aussi un respect de la part de ses interlocuteurs là-dessus. Et ce qui est important aussi, ce qui le caractérise, c'est aussi sa dimension, je dirais, de connaissance de l'islam. De connaissance de l'islam, non pas dans un islam de connaissance académique, mais pour lui, c'est un dialogue de vie, d'une certaine manière, avec l'islam. Et si j'ai à dire quelque part aussi un trait très important de sa personnalité et de son œuvre, pour nous, je dirais, tous les Antiochiens, c'est un peu la rubrique qu'il écrit au Nahar, qui est une pastorale, je dirais, grand public. Parce qu'il n'y a pas de thème qu'il n'a pas abordé, de la politique, de la sociologie, de l'économie, des relations du pouvoir, de la situation des chrétiens, de la mystique de l'homme, de sa relation avec le monde. Donc il y a pas mal de sujets qu'il a traités dans un style qui est un style accessible au grand public et qui est en même temps édificateur et qui est en grande partie une sorte de témoignage de la parole orthodoxe au grand public. Et je pense que pour nous, c'est quelqu'un qui a inspiré et qui continue d'inspirer la jeunesse orthodoxe antiochienne, mais aussi au-delà de la jeunesse orthodoxe antiochienne. Et c'est pour moi une vraie rencontre entre l'Orient et l'Occident. Moi, je dis que notre rôle, en tant que, d'une certaine manière, en tant qu'antiochien, mais aussi en tant que tout orthodoxe, c'est de faire une synthèse positive entre ce que nous sommes par identité ou d'identité et ce que nous sommes en devenir. C'est-à-dire, nous sommes ici en France, il ne faut pas qu'on renie ce que nous sommes à la base, c'est-à-dire notre identité d'origine est une identité antiochienne, mais il faut que cette identité ne soit pas une identité en opposition, mais qu'il faut créer une synthèse positive avec ce que nous sommes en devenir. Et je pense que Mgr Georges a su créer ce rapport dialectique entre l'Orient et l'Occident dans sa personnalité, parce qu'il est très oriental, il est très, avec une identité arabe très prononcée, une connaissance de l'islam, des sources de l'islam très très prononcée, mais en même temps, il a une sorte d'émerveillement devant la beauté de l'art dans l'Occident, devant la musique, devant l'opéra, devant tout ce qui constitue un élément de beauté, je dirais, dans le monde. Et donc, de ce point de vue-là, il a su créer une forme de symphonie qui, pour nous, doit être un modèle entre notre dimension orientale et notre dimension occidentale, parce que je considère que dans chacun de nous, il y a cette double dimension. Et donc, vous, avec votre permission, je vais rappeler nos internautes que certains de ces articles ont été traduits par vous et publiés dans la revue d'information orthodoxe, le SOP. Tout à fait, dans le service orthodoxe. Alors, pour donner deux indications bibliographiques, il y a un gros travail qui a été fait par Raymond Risque et par son fils Georges Risque et par d'autres personnes aussi. Et ça a donné deux livres, en fait, qui reprennent l'essentiel, je dirais, des articles de Mgr Georges Schroeder, le livre culte que tout le monde, en fait, lit en arabe, mais là, il est disponible en français, qui s'intitule « Si je disais les chemins de l'enfance ». Qui vient de sortir, d'ailleurs. Qui vient de sortir il y a quelques années. Et le deuxième, il y a 2 ou 3 ans, et le deuxième, c'est l'appel de l'esprit qui vient de sortir, voilà, et qui est une sorte un peu de rassemblement de plusieurs articles qu'il a écrits sur différentes thématiques. Et ça, c'est des articles qui sont produits en français, qui sont traduits, qui sont disponibles aux internautes et aux lecteurs. Voilà, merci, Carole, de nous avoir répondu à nos questions, et à bientôt. Au revoir.